La baronne, à la fin de la première année de son exil dans cet appartement, avait mesuré le malheur dans toute son étendue. En me reléguant là, mon Hector m'a fait la vie encore plus belle qu'elle ne devait l'être pour une simple paysanne, se dit-elle. Il me veut ainsi, que sa volonté soit faite. Je suis la baronne Hulot, la belle-sœur d'un maréchal de France. Je n'ai pas commis la moindre faute. Mes deux enfants sont établis, je puis attendre la mort, enveloppée dans les voiles immaculées de ma pureté d'épouse, dans le crêpe de mon bonheur évanoui. Le portrait de Hulot, peint par Robert Lefebvre en 1810, dans l'uniforme de commissaire ordonnateur de la garde impériale, s'étalait au-dessus de la travailleuse, où, à l'annonce d'une visite, Adeline serrait une imitation de Jésus-Christ, sa lecture habituelle. Cette Madeleine irréprochable écoutait aussi la voix de l'Esprit-Saint dans son désert.